Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. Aujourd'hui, une comédie affreusement drôle. Sam, Prune et Alice sont trois amis squatteurs de soirée. Le jour où ils dénichent des invitations pour la très mystérieuse nuit Médicis, ils pensent avoir décroché le gros lot. Ils déchanteront vite en découvrant que leurs hôtes sont des vampires et que tous les invités sont là pour servir de buffet. Ils sont immortels. Ils sont assoiffés de sang. Ils organisent la soirée de l'année où les invités sont le buffet. Je viens de me faire un chinois. Je crois bien que j'arrive pas à le digérer. Comment on se débarrasse de ces putains de vampires? Dans Buffy, leur mettre un pied dans le cœur. Moi j'ai ça si vous voulez. On a dit dans le cœur. De la poésie. Oh oui, mon petit bonheur. Prends-moi comme un bourrico. Des dialogues percutants. De l'héroïsme. Partez devant. Dans mon état, je vous ralentirai. Un méchant, très méchant. Je vais me faire un petit masque à l'argile, ça va me détendre le cuir chevelu. Vincent de Sagna, Hélène de Fougerolles, Frédéric Bell et toute une équipe de joyeux lurons dans Les Dents de la Nuit. Un DVD, M6 Vidéo.